بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, un sujet très important, un sujet souvent négligé, le sujet de la médisance. Pourtant, comme vous allez le constater, oh chers frères, il y a énormément de textes qui concernent ce sujet. Énormément de textes qui concernent ce sujet. Al-Hafidhu An-Nawawi rahimahullah, il a abordé ce sujet dans le livre Riyad al-Salihin, Al-Umur al-Manhiya anha, les choses interdites. Babu tahrim al-ghiba wal-amru bi-hifdh al-lisan, le chapitre concernant l'interdiction de la médisance et l'ordre de préserver les langues. Et donc l'auteur, rahimahullah, il a cité les deux opposés. L'interdiction de la médisance et l'ordre de préserver nos langues. Car si tu pratiques la médisance, forcément tu n'auras pas préservé ta langue. Si tu pratiques la médisance, forcément tu n'auras pas préservé ta langue. Qu'est-ce que la médisance ? La médisance, c'est le fait que tu parles de ton frère en citant ce qu'il n'aime pas. Et que tu parles de ta sœur aussi. Ici, on parle de frère en islam. Et donc, la médisance que tu parles de ton frère ou de ta sœur en islam, en citant ce qu'il ou elle n'aime pas. Et la médisance fait partie des grands péchés. Elle va avoir un fort impact sur l'intégrité de l'individu, ou de l'homme ou de la femme. Pourquoi ? Parce que celui qui pratique la médisance, qui ne s'est pas repenti de cela, fait partie des adeptes des grands péchés. Ce qu'on appelle Sahibul Kebira, l'adepte d'un grand péché. Et celui, donc, qui est dans ce cas, les savants, ils l'appellent El-Fasiqu El-Milliyu. Le transgresseur parmi les croyants. C'est un transgresseur. Beaucoup de personnes pensent que le fait de traiter injustement une femme ou un homme de fornicateur ou de fornicatrice, voilà le fasiq, celui qui est dans cette situation qu'on va dire que c'est un grand transgresseur. Mais non, ce n'est pas que ça. Tous les grands péchés sur lesquels l'individu ne s'est pas repenti, font que cette personne est un fasiq, un grand transgresseur. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh » S'il vient à vous, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Est-ce qu'on est satisfait de El-Fasiqul Milli, du transgresseur, le grand transgresseur parmi les croyants? Non. Non. Et donc, à partir de là, ma sœur, mon frère, si tu sais que la personne, si tu sais que tu dois te marier avec une personne, assure-toi que cette personne soit une personne qui tienne sa langue, une personne qui ne parle pas sur les gens injustement, qui ne fait pas d'injustice aux gens. Car ceci est une cause qui font que tu ne peux pas te marier avec cette personne. Et c'est là qu'on va voir, barakallahu fikum, que nous avons beaucoup d'efforts à faire nous concernant nous-mêmes. Car nous-mêmes connaissons nos péchés. Bal insanu ala nafsihi basira. L'être humain connaît lui-même et clairvoyant concernant sa propre personne. Et donc nous allons essayer, bi'idnillahi ta'ala, tous ensemble, de nous remettre en cause. Concernant ce péché, qui malgré le fait qu'il soit un grand péché, est propagé, est répandu, négligé, et les gens pensent que ce n'est pas un sujet si important. L'imam Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit dans l'explication de Riyad al-Salihin وَعْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ تَزْدَادُ قُبْحًا وَإِثْمًا بِحَسْبِ مَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ فَغِيبَةُ الْعَامَّةَ مِنَ النَّاسِ لَيْسَتْ كَغِيبَةِ الْعَالِمِ أَوْ لَيْسَتْ كَغِيبَةِ الْأَمِيرِ أَوْ الْمُدِيرِ أَوْ الْوَزِيرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Sache que la médisance va être de plus en plus grave et que le péché va être de plus en plus grave en fonction de ce qui en résulte. La médisance, le fait de médire concernant la masse des gens, n'est pas comme le fait de médire concernant le savant. Et ce n'est pas semblable au fait de médire concernant le gouverneur ou le directeur ou le ministre ou autre que cela. لِأَنَّ رِيبَةُ وُلَاتِ الْأُمُورِ صَغِيرًا كَانَ الْأَمْرُ أَوْ كَبِيرًا أَشَدُّ مِنْ رِيبَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ إِمْرَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَمْرٌ وَلَا وِلَايَةٌ. Il dit donc, car certes, le fait de faire de la médisance sur ceux qui détiennent l'autorité, que le commandement ou l'autorité que ces personnes ont là soit petit ou grand, on a celui qui détient la grande autorité, le gouverneur, on a aussi celui qui détient une autre autorité, ça va être donc le directeur. Il va donc avoir une autre responsabilité, le directeur ou autre. Il dit le fait de faire de la médisance concernant cette personne n'est pas semblable au fait de faire de la médisance concernant une personne qui n'a aucune autorité, aucune responsabilité. بأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصيا فقط. Car si tu fais de la médisance sur une personne qui fait partie des gens de la masse, alors tu feras du mal à cette personne elle-même seulement. Une personne qui fait partie de la masse des musulmans, tu vas faire de la médisance sur elle, c'est juste sur elle. Et ça déjà, c'est un grand mal. أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين. Par contre, si tu fais de la médisance sur une personne qui a une responsabilité, alors tu auras fait du mal à cette personne et à la fonction qu'elle occupe concernant la situation des musulmans. Lorsque tu vas faire de la médisance sur le responsable du Merkez, parce qu'il a fait telle et telle erreur, ou parce qu'il n'a pas fait telle et telle erreur, la médisance que tu vas faire ne va pas lui faire du mal que à lui, mais elle va faire du mal à tout le Merkez. Et elle va faire du mal à la Da'wa. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse très attention à ce sujet. Très très attention à ce sujet. Tu as vu que le responsable du Merkez a une erreur. Alhamdulillah, c'est un être humain comme toi. Tu vas le voir. Et akhi, j'aimerais bien passer un peu de temps avec toi, discuter avec toi sur un sujet. Toyib, viens, je voudrais te parler de ça, ça, ça, ça, ça. Et tu le conseilles. Alhamdulillah. Si c'est une sœur qui a vu une erreur chez le responsable du Merkez, alhamdoulilah, elle envoie un mail. J'aimerais bien vous conseiller sur tel et tel point, etc., etc., etc. Khalas, l'histoire, elle est terminée. Est-ce qu'il y a besoin d'aller me confier à ma meilleure amie ou mon meilleur ami ou si, ou ça? Non, ça ne le concerne pas. Meilleur ami ou pas meilleur ami, ça ne le concerne pas. Ce n'est que de la médisance. Et de la médisance, le meilleur ami qui lui aussi va avoir un très bon ami, qui lui aussi va avoir un très bon ami, qui lui aussi, jusqu'à ce que Mashallah et Dunya tout entière soit au courant que telle et telle personne a telle et telle chose, telle et telle erreur, etc., etc., etc. Tout ça de la médisance. Et ça, ça fait du mal à la da'wa. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, de ne pas négliger ce sujet. Mathalan, furida annaka irtabta aliman min al-ulama. Hadha la shakka annahu udwanun alayhi shakhsiyan ka ghayrihi min al-muslimin. Lakinnaka aydan asa'ta isa'atan kabiratan ila ma yahmiluhu min al-shari'ah. Certes, prenons donc un exemple. Admettons que tu aies fait de la médisance sur un parmi les savants. Alors il n'y a nul doute qu'il y a en cela une transgression envers cette personne. De la même manière que c'est une transgression envers les autres musulmans. Mais ici, tu auras fait un grand mal en plus de cela. C'est que tu auras fait aussi du mal à ce que cette personne-là a avec elle de connaissance de la législation. Rajulun alim yahmilu shari'a, un homme savant qui donc a avec lui la législation, donc il connaît la législation. Idha tabtahu saqata min a'yunin nas. Si tu fais de la médisance concernant cette personne, alors cette personne va perdre de la valeur pour les gens. Une personne qui, même c'est pas un savant, c'est une personne qui enseigne. Les gens profitent d'elle. Elles apprennent la religion. C'est pas un moubtadir. C'est un frère qui est sur la sunna, walhamdulillah. Mais tu sais qu'il a une petite erreur, comme tout le monde. Taïb, va le conseiller. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller parler à droite à gauche. Il a ci et ça, et moi je suis au courant de ci. Et de ça, et tout le khir que la personne elle fait, tu es en train de le casser. Tu es en train de le casser. Et parfois, malheureusement, on va voir ce problème chez des personnes qui elles, n'assument pas leurs responsabilités. Certains vont aussi avoir la capacité d'enseigner. Mais ils ne vont pas enseigner. Par contre, ils vont se concentrer sur les erreurs des autres. Si, ça, et si, et ça, et si, et ça. Au final, tu as fait en sorte que les gens détestent cette personne, que les gens ne veulent plus écouter ses cours, et toi, tu n'enseignes pas. Les gens, ils vont où? Ils vont chez qui, maintenant? Ils vont chez qui? Ah ben, ils vont aller chez les munharifines. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on médite et qu'on réfléchisse sur les conséquences de nos actes. Wa idha saqata min a'yunin nas lan yaqbalu qawlahu wa lam ya'tu ilayhi yarji'una ilayhi fi umuri dinihim. Et si cette personne perd de l'importance pour les gens, alors les gens ne vont plus accepter sa parole et ne reviendront plus vers lui concernant leurs sujets religieux. وصار ما يطلبه من الحق مشكوكا فيه لأنك اغتبته فهذه جناية. Et donc cette personne là, ce qu'elle donc recherche comme vérité sera douteuse. La vérité que cette personne a avec elle devient douteuse à cause du fait que tu as fait de la médisance concernant cette personne, et ceci est un crime. Fin de citation. Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, il nous dit, qu'Allah Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut dit, wa la yartab ba'dukum ba'da, et que aucun d'entre vous ne médise aucun. Ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh? Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort alors que vous détestez cela? Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Craignez Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici, barakallahu fikoum, les frères, quelle est ici, pour quelle occasion ici l'auteur il cite donc ce verset ou cet exemple qui est cité dans ce verset? Parce qu'ici, dans ce verset, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de la médisance. L'interdiction de la médisance. Il est interdit de faire la médisance. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite un exemple. Il nous dit, est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère? pourquoi il nous cite cet exemple alors qu'il nous parle de la médisance? Tout simplement parce que lorsque tu manges la chair de ton frère qui est mort, il ne peut pas se défendre. Il est mort. Il ne peut pas se défendre. De la même manière, lorsque tu vas parler de ton frère, quand il est absent, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Et c'est pour cela que les savants, ils disent, lorsque tu parles de ton frère en citant ce qu'il n'aime pas et qu'il soit présent, ils disent, ce n'est pas de la médisance. Mais ça va être un manque de respect ou une insulte, etc., etc. Mais ce n'est pas de la médisance. Parce que lorsque tu fais de la médisance sur une personne, cette personne n'a pas la capacité de se défendre. Et tu profites de cela. Tu profites de cela. Et donc ceci est un abus. Et ceci est une faiblesse. Ensuite, il cite An-Nawawi rahimahullah. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Et n'aborde pas ce dont tu n'en as aucune science. Car certes, lui, la vue, le cœur, concernant tout cela, on sera interrogé. Et donc, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. Fais très attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes. Et donc, ce n'est pas que celui qui pratique la médisance qui est pécheur, mais c'est aussi celui qui l'écoute. Il vient te voir, il te dit, « Hey, un tel, il a fait ci, ça. » Et toi, tu dis, « Ah ouais, ah bon ?» Un tel, il a fait une chose, mais non, je ne vais pas te dire. Vas-y, dis. Au lieu de lui dire, Taqillah, stop, arrête-toi là, alhamdoulilah, pour l'instant, tu as juste cité un nom, tu n'as rien cité d'autre. On lui dit, vas-y, dis-moi. Et parfois, on va chercher des raisons. Et ça, c'est pire. Ça, c'est encore pire. Lorsqu'on sait que c'est haram, et que la personne, elle n'a pas à nous dire ça, mais qu'on va essayer de chercher une raison. Mais oui, mais c'est pour une bonne raison, c'est pour le conseil, ou je ne sais pas, ou prends l'intention de le faire pour telle raison. La ilaha illallah. Tu ne peux pas tromper Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas tromper Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole sans qu'il ait avec lui un scribe qui écrit. Donc un gardien qui écrit et qui le surveille. Il dit al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, i'lam annahu yanbaghi li kulli mukallafin an yahfadha lisanahu an jami' al-kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslaha. Sache qu'il convient. Ici, il convient. Souvent, parfois, les savants, ils utilisent ce terme. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il va utiliser ce terme. Et ce qui est voulu, c'est qu'il est obligatoire. Yanbari, sache qu'il est obligatoire. À tout mukallef. Un mukallef, c'est une personne qui est responsable. C'est-à-dire, une personne qui va être pécheur si elle ne fait pas ses obligations. Donc il est pubère, il a la raison, etc., etc. Et donc sache qu'il est obligatoire à toute personne qui est responsable de préserver sa langue concernant toute parole. Il a bien dit toute parole. Il n'a pas dit le fait de prononcer de mauvaises paroles. Il a dit toute parole. Sauf les paroles dont on voit que le fait de les prononcer est un bien et un avantage, ou du moins non, est un bien pour la personne. Wa mata stawa al-kalam wa tarkuhu fil maslaha fa as-sunnatu al-imsak anhu. À partir du moment où le fait de parler ou de se taire sont égaux en termes de bien, alors la sunna, c'est de se taire. Et donc, avant de réfléchir, tu réfléchis, est-ce que si je parle, c'est un bien ? Oui. Mais est-ce que si je me tais, c'est un bien ? Oui. C'est un plus grand bien que je parle ? Non. C'est un plus grand bien que je me taise ? Non. Les deux sont semblables ? Oui, je me tais. Je me tais. لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. Car cette parole, en réalité, pourquoi est-ce que elle va être un bien? C'est un bien s'il n'y a pas de péché. À partir du moment où il y a un péché, ce n'est pas un bien. Et donc, ici, c'est un bien, ce n'est pas un péché. Mais par contre, c'est une parole, si je me tais, je ne prends pas de péché non plus. Ce qui veut dire qu'en fait, cette parole, elle est permise. C'est une parole qui est permise, comme le fait que je dise « Ah, le thé est bon. » Ou alors, il y a une nouvelle Audi, ou je ne sais pas quelle marque de voiture, ou une nouvelle marque de moto, ou je ne sais pas quoi. C'est une parole qui est permise. Cette parole, la sunna, c'est de te taire et de la délaisser. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre dans nos majelis, lorsqu'on se rencontre entre frères, et qu'on apprenne à se taire. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on est entre frères, il faut parler. Pareil pour les sœurs. Si on n'a pas parlé pendant toute l'assise, elle n'est pas bien. Non. Si tu as quelque chose de profitable à dire, alors dis-le, bismillah. Quelque chose de profitable, ça va être un rappel, le rappel d'Allah. Hein, le fait de montrer à tes frères ce qui est bien pour eux, ce qui est interdit, etc. Quelque chose qui va aider tes frères concernant leur dounia. Est-ce que tu sais qu'il y a tel et tel employeur qui recherche des employés, etc. Et donc tu aides ton frère dans des sujets mondains. Ou alors le fait de faire rentrer le bonheur dans le cœur de ton frère. Tu vas faire une plaisanterie, sans mentir. Et donc oui, ici, c'est bien parce que tu fais rentrer le bonheur dans le cœur de ton frère. C'est un bien. Taïb, à partir du moment où ce bien-là est égal au fait de se taire, le mieux est de se taire. C'est ça la sunna. Il nous dit, Al-Hafidh an-Nawawi, pourquoi ? Parce que le fait d'aborder un sujet qui est permis, cela peut entraîner par la suite le fait de tomber dans quelque chose qui est illicite ou détestable. Au début, on a parlé de voiture, la nouvelle Audi. Et ensuite, il y en a un qui a dit, mais d'ailleurs, il y a Foulaine qui a une Audi. Ah ouais, on est arrivé sur la Audi de un tel. Et un autre qui arrive, ah oui, mais d'ailleurs. Et hop, on arrive sur un autre sujet. Le fait d'aborder un sujet interdit concernant le propriétaire de cette Audi. Et donc, on est parti d'un sujet qui est licite pour tomber sur un sujet qui est interdit. Voilà pourquoi il est mieux de délaisser le sujet, de délaisser le fait d'en parler, même si cela est permis. وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ Il dit Al-Hafiz al-Nawawi. C'était à son époque. Hein. Ce n'était pas à notre époque. Hein. Il dit, et cela arrive beaucoup, cela arrive souvent. كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ Cela arrive souvent. وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٍ Et le fait de se préserver, rien n'est égal à cela. Rien n'est égal au fait de se préserver. Alors préserve-toi, Ya Ekhi. Ya Orti. D'ailleurs, je voulais donner un conseil aux sœurs, par rapport aux cours qui sont donnés aux sœurs. Il n'y a pas de mal à ce que les sœurs qui viennent au cours, elles profitent après le cours pour faire un rappel entre elles, c'est-à-dire pour réviser ce qui a été cité pendant le cours. Pour faire un petit repas entre elles. Hein? Les sœurs, entre elles, elles font un petit repas, un petit goûter ou autre. Histoire de faire rentrer la joie et le bonheur dans le cœur de notre sœur. Hein? Une nouvelle qui est arrivée. On a besoin de la faire prof, de l'aider à profiter des assises de sciences. Si on lui dit qu'il n'y a que des assises de sciences, peut-être qu'elle va dire, oh non, je ne sais pas si je viens. On lui dit, mais il y a un repas après, il y a un goûter. Ah ouais, ben je viens alors. Allez. Et donc ça va pouvoir nous aider à participer à la réforme de la communauté, aider les gens à assister au Doulous. S'il faut mettre un appât, on met un appât. Il n'y a aucune gêne à cela, alhamdoulilah. Mais maintenant, dans ces assises entre sœurs et entre frères, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de ce genre de péché, pas de médisance. Sinon, on ne fait pas ce genre d'assises. Si c'est pour faire des assises pour tomber dans des péchés, alors il faut les délaisser. Et ensuite, Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, il commence à citer les premiers hadiths du chapitre. On va laisser les hadiths pour demain, inshallah ta'ala. Demain, on va donc commencer. Donc aujourd'hui, parce que Al-Hafidh al-Nawawi, il cite, en général, lorsqu'il aborde des chapitres, il cite des versets avant de citer les hadiths. Et donc, on a fini tous les versets qu'il a cités. Et ensuite, après cela, il cite un bon nombre de hadiths concernant la médisance. On verra tous ces hadiths-là demain, inshallah ta'ala. Et après-demain aussi, etc. On va essayer de prendre plusieurs chapitres, inshallah. Parce qu'il y a des chapitres qui montrent l'interdiction de la médisance. Mais il y a aussi des chapitres qui nous montrent quand est-ce que la médisance va être permise, voire obligatoire. Et donc là, il faut qu'on arrive à connaître ce sujet. Pourquoi ? Parce que certains se mélangent parfois. Ils se mélangent, ils disent que c'est interdit alors que ce n'est pas interdit. Ou ils disent que cela est permis alors que ce n'est pas permis. On va voir tout ça, inshallah ta'ala, en détail à partir de demain. Et les autres choses qui suivent, inshallah, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.